Bonjour à tous et bienvenue, chers étudiants, professeurs, amis, alumni, désormais, enfin bref, chers auditeurs, à ce deuxième numéro de Radio Langso, la première émission web radio de l'INALCO. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième émission. Donc, notre invité aujourd'hui sera Thibaut Delex, enseignant doctorant à l'INALCO, au département Europe centrale et orientale. Donc, merci à lui de nous rejoindre et tout à l'heure, on aura une interview avec lui. Interview qui a été faite avec Najwa et moi-même, Clément. Et aujourd'hui, nous présentons cette émission avec notre troisième camarade, Mohamed Oussek. Donc avant de passer à l'interview, nous allons aborder les actualités de l'INALCO, donc culturelles, et les conférences qui auront lieu dans notre établissement. Et oui, l'INALCO a une actualité très riche et très variée, dont vous n'êtes peut-être pas au courant. Avant les vacances qui approchent, il y a encore quelques conférences et événements qu'il ne faut pas manquer. Je rappelle au passage que vous pouvez retrouver toutes les actualités dans la description de cette émission, si on n'oublie pas de le faire. Et sinon, elles sont toutes sur le site de l'INALCO, inalco.fr. J'espère que vous l'avez tous en favori et que vous consultez cette page tous les jours. J'en suis sûr. La première actualité est la naissance d'un nouveau magazine et du site qui lui correspond, langso.com. Alors c'est langue-o.com. Je vous lis la description de celui-ci issu du site de l'INALCO. L'INALCO lance Langso pour faire découvrir et comprendre les cultures du monde. Langue, civilisation, culture, notre ambition avec Langso est de partager notre connaissance de tous les mondes et d'apporter notre contribution à la curiosité de chacun. Notre souhait, offrir quelques clés de compréhension d'une planète mondialisée où nous sommes chacun si semblables et si différents. N'hésitez donc pas à attraper le premier numéro pour le feuilleter. Quant à nous, nous souhaitons bonne chance et longue vie à ce nouveau magazine et camarade de l'actualité à l'INALCO. Voilà, alors si vous écoutez cette émission alors qu'elle vient de sortir, vous aurez peut-être encore le temps d'aller à la conférence sur le thème constitutionnalisme et démocratisation de l'Empire ottoman à la Turquie républicaine, donc entre les périodes du 19e au 21e siècle, qui aura lieu le jeudi 10 décembre 2015, donc à 9h30, à l'Amphi 8 de l'INALCO. Alors cette conférence sera tenue par Esgur Turesay et est organisée par la section des études turques et le centre de recherche Moyen-Orient-Méditerranée, le CERMOM. Et le même jour, jeudi 10 décembre donc, mais à 18h30 dans l'auditorium, vous pourrez ensuite aller à la deuxième rencontre en terre d'Ukraine de l'INALCO autour du film intitulé Yaroslav le Sage. Le film, datant de 1981, sera diffusé sous-titré en français et la séance sera introduite par Lubomir Hosseiko, suivie d'une discussion avec Yaroslav Lebedinsky, historien enseignant à l'INALCO. Alors, le synopsis du film est assez entraînant. Après la mort du prince Volodymyr, Yaroslav doit d'abord lutter contre son demi-frère Sviatopolk pour l'accession au trône de Kiev. Après sa victoire sur ce dernier, aidé par les Novgorodiens et les Varegs, il met fin aux luttes intestines au sein de la Russe et défait l'armée Pecheneg non loin de Kiev. Et si le film vous a plu, sachez que la troisième séance des rencontres en terre d'Ukraine se tient une semaine plus tard, c'est-à-dire le 17 septembre. À l'auditorium à partir de 18h30 avec la diffusion du film Zahar Birkut. Dans un tout autre genre maintenant, samedi 12 décembre à 10h en amphi 2, vous pourrez participer à la conférence Maîtriser le code culturel chinois pour réussir sa vie professionnelle. Donc elle sera tenue par Palizati Suleiman, sociolinguiste faisant partie du centre de recherche linguistique sur l'Asie orientale, spécialiste du Ouïghour et professeur de chinois. Voici donc un extrait de la description de cette conférence. La Chine représente plus du cinquième de la population mondiale. Elle est devenue la deuxième puissance économique et le premier exportateur mondial. Par conséquent, pour les entreprises déjà expérimentées dans l'export, la Chine peut devenir une opportunité extraordinaire. Mais pour réussir, il est nécessaire de connaître et de comprendre les spécificités culturelles chinoises, d'aller au-delà des idées toutes faites et des stéréotypes. Enfin, on voudrait vous informer d'un rendez-vous du début du mois de janvier. En effet, le 11 janvier se tiendra la deuxième conférence du cycle Migration. On vous avait parlé lors du premier numéro de Radio Langso de la première conférence du cycle Migration qui était sur les migrations tibétaines. Cette fois-ci, la conférence s'intitule Migration et Révolution arabe et se tiendra dans l'auditorium à partir de 18h30 et est organisée par Delphine Pagès El-Karoui avec Myriam Ababsa et Eliane Thiolet. Voilà pour les actualités aujourd'hui. Nous allons désormais pouvoir passer à l'interview. Chers auditeurs, nous vous rappelons que vous pouvez réagir à cette émission soit sur notre Tumblr, soit par mail à radiolangso@gmail.com, tout attaché en minuscules. Nous attendons vos réactions. Et maintenant, l'interview qui a été enregistrée avec Najwa Mokarram et moi-même, en compagnie de Thibaut Delex. Bonjour Monsieur Delex et bienvenue dans notre studio d'enregistrement ici à l'INALCO. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes d'autant plus ravis que votre profil est tout à fait différent de celui de Monsieur Samson Normand de Chambourg, que nous avions interviewé le mois dernier. Vous, contrairement à lui, vous n'avez pas fait vos études à l'INALCO, c'est bien ça? Absolument. Donc bonjour, c'est un plaisir d'être là. Et non, je n'ai pas fait mes études à l'INALCO. De quelle origine êtes-vous? Alors, je suis originaire de Belgique, mais comme la Belgique l'a appris au monde entier récemment à la faveur d'une très longue crise politique, 521 jours sans gouvernement, la Belgique étant à beau être une petite entité territoriale, c'est une entité relativement complexe qui réunit à tout le moins deux nations, si pas trois. Et donc moi, je viens de la partie méridionale de la Belgique, de la Wallonie, et plus précisément de Liège. Quelle a été votre vue sur le monde depuis Liège? Alors, il y a deux questions dans votre question, si je puis dire. C'est-à-dire que je ne sais pas si Liège, en tant qu'entité géographique, a généré une vue cohérente sur le monde. Ce qu'on peut dire de Liège, c'est que c'est une ville post-industrielle qui a connu vraiment un moment de gloire. Elle a fait partie des villes les plus riches du monde au cours de la révolution industrielle, qui par la suite a probablement trop tardivement et avec trop peu de clairvoyance anticipé le grand tournant de la désindustrialisation européenne et des divers déplacements d'industrie vers des pays où la main-d'œuvre est nettement moins chère. Et donc, c'est une zone qui vit des difficultés économiques importantes pour l'instant. Donc, voilà, moi, j'ai grandi dans ce contexte-là. Maintenant, il serait absolument faux de ma part d'essayer de faire croire ici que je suis issu du monde ouvrier. En réalité, non. Donc, moi, je viens de la partie bourgeoise de Liège. Et donc, voilà, vous évoquiez les types de conceptions qu'on peut se faire du monde. Et je dois reconnaître que la mienne a été en bonne partie déterminée par une appartenance sociale aussi. Maintenant, j'ai eu la grande chance de fréquenter des établissements scolaires où il y avait une mixité sociale assez importante. Et donc je ne suis pas resté cantonné à cette première vision. Et j'ai bénéficié d'une très grande ouverture sur d'autres réalités sociales. Et mes parents étaient des gens qui étaient très, très ouverts aussi et qui ont eu à cœur dès très tôt de me faire découvrir d'autres univers. Et donc, j'ai eu des amis de toute origine. Et ça a été quelque chose de très important dans ma formation intellectuelle. Dès le début, j'ai eu un vrai attachement au monde ouvrier avec lequel je coexistais au sein de Liège. Vous avez parlé de votre scolarité. Est-ce que c'est cette scolarité à Liège qui vous a tourné vers la littérature? Alors, ça, c'est vraiment, je crois, des choses qui se forment très très fort au sein des familles. L'institution scolaire a un rôle important à jouer et j'ai bénéficié j'ai eu de très très chouettes profs qui m'ont enseigné qui m'ont appris à aimer la littérature, et ça n'est pas simple. Mais j'ai aussi eu des parents qui étaient de grands lecteurs et qui, depuis très jeune, m'ont encouragé, en fait, à le faire et qui ont... En réalité, dans les foyers modernes, il y a un peu des guerres qui se jouent entre différents médias. Il est certain que l'image offre une forme de plaisir immédiat et quelque part un peu paresseux qui peut satisfaire très facilement. Et donc, pour que la lecture ait une chance, la lecture qui est typiquement un plaisir un tout petit peu plus exigeant, qui demande un investissement propre et qui ne satisfait pas à la même vitesse, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui promette que ça vaut la peine et qui essaye d'encourager ce phénomène-là. Et donc moi, j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui poussaient très fort. Donc c'est comme ça que j'y suis venu. Et c'est comme ça que j'y suis resté. L'une de vos passions, c'est donc la littérature. Je pense que l'autre, c'est peut-être l'Europe centrale et orientale, telle que décrite Aline Alco. Alors oui. D'où vient votre passion pour l'Europe centrale et orientale? Alors c'est une drôle de rencontre qui s'est effectuée justement à la croisée de ces deux aires. Donc moi, j'ai d'abord rencontré l'Europe centrale et orientale au travers de la littérature. D'abord, pour moi, c'était un monde de papier que j'ai découvert dans des romans. Je pense à des auteurs comme Kundera, des auteurs comme Dostoïevski, des auteurs comme Czesław Miłosz, qui sont des gens qui ont vraiment produit une impression très très forte sur moi en tant que lecteur adolescent. Et alors, parfois, les trajectoires ont quelque chose d'hasardeux, c'est-à-dire que parfois, la vie se construit sur des moments qui doivent plus à des coïncidences qu'à une réflexion structurée. Moi, il se fait que j'étais véritablement en admiration devant un prof de français qui nous faisait enseigner la poésie et qui était vraiment une personnalité de roman et qui, bien plus que de s'évertuer à nous faire retenir des dates et avoir une approche très, je dirais, très historicisante ou positiviste de la littérature, c'était quelqu'un qui nous encourageait beaucoup à écrire, qui nous encourageait beaucoup à lire, à partager les découvertes littéraires que l'on avait glanées au cours des derniers jours, et qui nous a proposé de nous emmener à Prague. Donc on est parti en voyage de classe à Prague pour 3 jours, et je crois qu'en 72 heures, je n'ai pas dessoulé à l'absinthe. Et donc, Prague, pour moi, est apparue comme une espèce de ville fantasmatique qui se déroulait dans les buées de l'alcool et qui était auréolée de toute la magie qu'on lui prête. Et donc je suis vraiment tombé en admiration devant la ville. Il faut ajouter à ça que mes parents... m'avait emmené en vacances là-bas quand j'étais tout petit. Donc j'avais des souvenirs aussi d'enfance comme ça qui ressurgissaient. Et alors mes parents m'ont proposé, lorsque j'ai eu 18 ans, de partir un an à l'étranger avant de rentrer à l'université. Et c'est très naturellement que j'ai dit que c'était à Prague que je voulais repartir. Donc je suis retourné là-bas. J'ai étudié le tchèque et en parallèle, je travaillais pour une association qui s'occupait des jeunes enfants issus de la minorité rome, qui se trouvaient désœuvrés les après-midi parce qu'ils n'avaient pas classe et qui donc erraient dans les rues, ce qui évidemment présentait toute une série de dangers pour eux. D'abord parce que c'était une énorme tentation pour ce qui était de pratiquer toute une série d'actes illicites qui allaient du... Du vol à la petite rapine, etc. Mais il existe aussi de véritables dangers qui sont liés à la prostitution enfantine. Donc il s'agissait aussi d'offrir des structures d'accueil qui soient sécurisées pour ces enfants. Ce qu'il faut savoir en réalité, c'est qu'en République tchèque, encore actuellement, les écoles du cycle scolaire classique sont assez réfractaires à l'idée d'admettre en leur sein des enfants roms, parce qu'elles considèrent qu'ils ralentissent l'apprentissage au sein des classes. Et donc les roms très très souvent sont redirigés vers des écoles qui sont des écoles spécialisées, souvent adressées aux sourds-muets. Et donc moi j'ai vécu ces situations complètement surréalistes où des enfants tout à fait entendants, tchécophones parfaits, parce qu'ils ne parlent plus de Roumanie, pour rigoler, se mettaient à parler entre eux le langage des signes, voilà, simplement parce que c'était leur code à eux. Donc, voilà, et ce sont des classes qui, en fait, ne durent qu'en matinée, et donc les après-midi, ils sont libres. Bon, et ça n'est qu'un des problèmes, évidemment. L'autre problème fondamental étant qu'ils ressortent de ce parcours éducatif avec un niveau d'instruction qui est bien trop faible. Et donc, en réalité, ils ont du mal à s'insérer dans le monde professionnel, ce qui veut dire qu'il y a là une espèce de problème de distinction entre deux composantes ethniques de la République tchèque, les Tchèques d'un côté, les Roms de l'autre, qui se reproduit de génération en génération. Mais donc, voilà. Donc, c'est ça que je faisais, c'est ça que j'ai fait pendant un an. Et ça ne m'a que renforcé dans ma fascination absolue pour Prague et l'Europe centrale. Est-ce que ça a été formateur, finalement, d'avoir un premier contact avec le terrain qui était magique, même si alcoolisé, et un deuxième contact qui était peut-être plus dur ? Oui, ben, c'est-à-dire, je crois qu'il faut tomber, il faut se laisser tomber amoureux de certaines choses. Et quand on se sait amoureux, il faut se donner les moyens de poursuivre son idylle. Donc voilà, je dirais que c'était un peu ce qui m'est arrivé. Et c'est certain que c'est très très bien que je n'ai pas continué à consommer des alcools au même rythme au cours de l'année qui a suivi à Prague. Autrement, je ne serais probablement pas en train d'avoir cette conversation. Et je serais probablement quelque part en cellule en train de dégriser de ma nuit. Donc voilà, c'est bien un moment. Et alors, ce qui est aussi important à souligner, parce qu'on en a l'occasion, c'est que l'Europe centrale a un peu hérité de cette vision d'un espace alcoolisé, parce que ça a été assez vrai sous le communisme. C'était un des échappatoires, en fait, au monde grisâtre et un peu terne qui se vivait alors. Et donc, voilà, il y avait des consommations assez inquiétantes d'alcool. C'est nettement moins vrai maintenant, du moins plus d'alcool fort. Il est vrai que la République tchèque reste un des plus gros consommateurs européens de bière. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Comme beaucoup d'amis tchèques le soulignent à l'occasion, la bière, c'est pas tout à fait de l'alcool. On peut polémiquer, mais voilà. Donc, suite à cette expérience, vous retournez en Belgique, c'est bien ça. Vous choisissez de continuer, en fait, oui, quelque chose en rapport avec cette culture dont vous êtes tombé entièrement amoureux, de tous ces aspects les plus horribles comme les plus magiques. Oui, donc tout à fait. Ce qui se passe, c'est que plein d'une naïveté de jeunesse, je crois que le tchèque est acquis et que désormais je le parlerai sans difficulté. Ça n'est pas vrai. Il faut vraiment entretenir les langues qu'on parle. Et donc je me suis dit, ben quitte à en maîtriser une, pourquoi ne pas s'intéresser à d'autres langues slaves. Et donc je me suis inscrit à l'Université libre de Bruxelles dans la section des lettres modernes avec le russe et le polonais comme langue d'étude, en continuant de suivre en parallèle des cours en élève libre en tchèque. Donc voilà, c'est un parcours universitaire très enrichissant, très satisfaisant, avec des profs vraiment fabuleux. Et alors l'autre grand avantage de ce parcours, c'est que il existait toute une série de bourses qui étaient assez facilement disponibles et pour lesquelles on n'était pas nombreux, hein. Il faut dire que ce n'était pas des sections qui drainaient des foules. Et donc, il était assez facile de les obtenir et j'ai pu passer pas mal de temps en Pologne, pas mal de temps en Russie, pas mal de temps en République tchèque. Et en plus, en République tchèque, j'ai fait la rencontre de ma compagne, qui, parce que ça, le hasard fait toujours bien les choses, qui est polonaise. Mais donc, voilà. Et donc, j'ai continué à vivre, je dirais, dans cet entre-deux permanent entre la Belgique et l'Europe centrale. Même votre sujet de mémoire était sur une auteure tchèque, si je ne me trompe pas. Polonaise. Polonaise, pardon. Polonaise, non, mais excusez-moi. C'est pas grave. Dorota Masłowska. c'est une très jeune auteure polonaise qui a écrit son premier roman quand elle avait 18 ans. Elle était en train d'étudier pour l'équivalent du bac. Et elle faisait des pauses dans ses séances d'études et elle notait de façon frénétique sur son écran toute une série de réflexions qu'elle mettait en scène des jeunes de son quartier. Et alors, elle a produit un roman qui est tout à fait fou, qui est un roman qui s'inscrit dans une veine postmoderniste où on cherche à réexploiter des discours qui existent déjà, mais à les mettre en scène pour exposer certains des travers qu'ils peuvent comporter ou pour exposer certains des défauts structurels qu'ils comportent. Et ici, en l'occurrence, elle exploite les raisonnements teintés de nationalisme des jeunes défavorisés de son quartier. Et elle cherche à voir quelles sont les sources de ce nationalisme et vers où il les porte. Et elle cherche à reproduire la vision du monde de ces personnes-là, mais avec une teinte d'ironie où elle démasque, en fait, comme je le disais, ses travers. Et donc, notamment, elle révèle que c'est un nationalisme très plat qui s'accroche à quelques symboles, mais qui est très souvent dépossédé de la connaissance réelle de son histoire et qui est bien plus un phénomène d'attachement clanique qu'un nationalisme réfléchi et conscient. Et donc voilà, j'ai procédé à une analyse de ça. C'est là que j'ai découvert que, en fait, j'aimais beaucoup procéder à des analyses de textes et que j'aimais beaucoup m'attacher vraiment à une forme d'autopsie, non seulement des moyens stylistiques dont se dote un auteur, mais aussi du programme artistique qu'il cherche à accomplir. Voilà. Donc c'était une vraie critique sociale. Alors là, on va rentrer dans le domaine de la théorie littéraire et je ne voudrais pas embêter vos auditeurs avec des considérations trop techniques. Mettons que c'est des approches qui se nourrissent un peu d'une part du formalisme russe. Le formalisme russe traite les textes un peu comme si c'était des machines. Et donc, il considère que dans les textes, y a des rouages, il y a des combustibles, il y a des courroies de transmission et il essaye de voir si c'est une machine, comment ça fonctionne. Donc, il décrit vraiment des principes très techniques de fonctionnement. Et alors, je joignais ça à une autre approche théorique qui a été formulée par un penseur russe du texte des années 30 à 50, qui est un monsieur qui s'appelle Mikhail Bakhtin, et qui a mis au point le dialogisme. Le dialogisme veut que un roman est toujours un énoncé dans une chaîne de dialogue. Et donc, non seulement il répond à des éléments de discours qui l'ont précédé dans le genre romanesque, et il essaye d'anticiper les objections qu'il a le sentiment qu'on pourrait lui opposer dans le futur. Et ce principe dialogique se réfracte à tous les étages du roman, si je peux dire. C'est-à-dire que en permanence, le roman va tendre à essayer de nouer des dialogues avec ce qui l'a précédé et ce qui pourrait le suivre. Et donc, c'est une façon d'essayer de montrer qu'il y a toujours de nombreux courants discursifs, donc des nombreuses traditions intellectuelles qui se rencontrent au cours d'un roman, et que ces traditions intellectuelles discutent entre elles, non pas comme une fausse polémique, comme on aime beaucoup les orchestrer à la télévision française dernièrement, où on met deux boxeurs en scène et on leur demande de se frapper jusqu'à ce que ça saigne. Non, ici, c'est une vraie rencontre dans le dialogue, où plutôt que d'essayer de s'abattre l'un et l'autre, ces deux discours vont essayer de se comprendre et de pousser plus loin leur compréhension mutuelle. Et c'est vécu comme, ou dans tous les cas, un des consensus qui existe actuellement sur le roman est le fait que c'est une de ses vertus, c'est justement de permettre cet espace de rencontre dialogique où on ne cherche pas nécessairement à avoir gain de cause. Ce qui importe, c'est l'intercompréhension mutuelle. Voilà. Mais donc, j'exploitais toute une série d'outils que ces deux courants, donc le dialogisme bakhtinien et le formalisme russe, me mettaient à disposition pour décrire le fonctionnement de ce texte. Je n'irai pas plus loin, vraiment, je vais vraiment devenir technique. Après ce mémoire, vous êtes parti à Varsovie ? Donc j'ai été rejoindre ma compagne, assez prosaïquement. Et alors, l'Union européenne, à laquelle je dois quand même beaucoup, proposait toute une série de financements, et notamment un financement pour des jeunes stagiaires qui cherchaient à se lancer dans le monde professionnel. Et donc je me suis proposé à diverses institutions en Pologne. À l'époque, j'avais beaucoup... je m'étais investi dans des mouvements de défense des personnes en situation administrative irrégulière, donc des sans-papiers en Belgique. Donc je cherchais à continuer à travailler dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour une... en Belgique, on dirait une parastatale, c'est-à-dire une organisation qui dépendait de manière relativement autonome de l'administration polonaise et qui avait entre autres mission d'aider les primo-arrivants qui avaient reçu un statut, de réfugiés, à s'intégrer par le travail. Donc, il s'agissait de trouver à ces personnes d'abord des formations. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, la deuxième guerre tchétchène s'était achevée il n'y a pas longtemps. Et donc, il y avait de nombreux Tchétchènes qui arrivaient en Pologne comme un des premiers points d'entrée et qui cherchaient à s'y installer. Le problème, c'est que nombre d'entre eux quittaient pour des motifs politiques parce qu'avant, ils avaient été... des partisans, donc des guerriers armés, et c'était des gens qui, avec assez bien de franchise, avouaient qu'ils avaient surtout appris le métier des armes, mais que donc il fallait qu'ils apprennent un autre métier avant de pouvoir se proposer sur le marché du travail. Donc d'abord, il fallait leur proposer des formations, et puis après, il s'agissait de les intégrer dans des circuits professionnels, ce qui n'était pas toujours évident, puisqu'il y avait une petite appréhension au début, non seulement vis-à-vis de la connaissance de la langue et des capacités professionnelles, mais aussi vis-à-vis de ces différences culturelles qui étaient pas minces. Maintenant, il y avait déjà à l'époque une petite solidarité de principe qui existait entre les Polonais et les Tchétchènes, et qui parfois fonctionnait assez bien, ce qui avait une même méfiance vis-à-vis de la présence impériale russe que certains percevait comme menaçante. Donc voilà, parfois sur cette ligne de solidarité-là, on arrivait à organiser des rencontres et des collaborations. Mmh. Voilà. Une question, j'ai envie de dire, d'actualité. Est-ce que le fait que vous ayez travaillé avec ces réfugiés tchétchènes influe sur le regard que vous portez aujourd'hui sur la crise migratoire syrienne ? Non, de manière générale, en fait, d'avoir beaucoup travaillé avec des personnes qui sont des personnes qui ont fouillé des situations dans lesquelles leur vie était mise en danger. C'est-à-dire que je suis très mauvais client pour tout le discours concernant la lâcheté des Syriens qui auraient fouillé un pays où il s'agissait de se battre. Non, il y a des situations qui sont des situations impossibles où les gens n'ont objectivement pas d'autres possibilités que de fuir. Par ailleurs, je suis jeune papa, donc je comprends tout à fait que dans certaines situations, les considérations familiales prennent le pas sur tout le reste et qu'on fouille. Voilà, je peux entendre qu'il y ait des craintes qui soient liées à l'afflux des migrants. L'actualité récente a pu les renforcer, même si je continue à croire que, en réalité, la plupart des personnes qui sont impliquées dans des actes de terreur sont plutôt en fait des migrants de deuxième ou troisième génération qui ont vécu des difficultés d'intégration que des Syriens qui arriveraient en Europe avec des intentions néfastes. Mettons que oui, d'avoir pu assister à des personnes qui fuyaient des situations de guerre réelles, Je peux simplement témoigner du fait que c'est des gens qui sont, d'ailleurs pour la plupart, en fait, qui ont des parcours scolaires tout à fait surprenants. C'est-à-dire, c'est un peu ça aussi que, parce qu'on voit arriver des gens en guenilles, donc on pense que c'est des personnes avec des statuts économiques précaires là-bas qui arrivent ici. Non, c'est pas vrai du tout. Il y a des ingénieurs, il y a des... il y a des informaticiens, il y a des professeurs de langue, il y a des musiciens, enfin, il y a des gens qui viennent vraiment de tous les compartiments de la société syrienne qui arrivent actuellement. Et alors, en fait, moi, de plus en plus, je pense qu'on se trompe lorsque... C'est-à-dire que les gens qui ont un attachement à une forme de politique d'hospitalité en Europe se trompent lorsqu'ils acceptent de rentrer dans des débats qui concerne la dangerosité éventuelle du flux de migrants. Je crois qu'en fait, on doit tout à fait retourner la question. On doit se demander si l'Europe a la capacité de ne pas accepter des migrants. On a des vrais problèmes de démographie, c'est-à-dire qu'on sait qu'on commence à inverser la pyramide des âges et qu'il va falloir qu'on élargisse la base démographique de nos sociétés si jamais on veut pouvoir profiter de pensions décentes. Donc, voilà, on a, en fait, il y a encore des possibilités de croissance sur le marché de l'emploi. Donc, on sait que, et en plus, on sait qu'il y a des postes pour lesquels on ne trouve plus, parce que ce sont des postes difficiles, que des gens qui sont mieux installés dans nos climats économiques refusent d'effectuer. Voilà, il y a plein d'arguments assez rationnels aussi qui plaident en faveur d'un retournement de la question. Mais je ne suis pas politicien, donc, ni politologue, donc je ne voudrais pas... ici endosser une casquette que je n'ai pas. Je ne suis pas technicien sur ces questions-là. En revanche, je peux, à titre humain, absolument témoigner du fait que, oui, ce sont des gens qui fouillent des situations de guerre et qui, d'ailleurs, en fait, ont plus besoin de protection et d'encadrement que de difficultés et d'obstacles administratifs. Voilà. Donc, suite à votre premier emploi dans l'aide à l'intégration des enfants, des réfugiés en général. Aussi, vous êtes revenu en Belgique, bien ça. Et cette fois, vous êtes devenu le monsieur Pologne du bureau de conception d'exposition. Comment est-ce que c'est arrivé? Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenu en Belgique parce que j'espérais pouvoir trouver plus facilement du travail là-bas. Je suis revenu avec ma compagne. En réalité, j'ai commencé à travailler pour... Donc assez vite, je suis rentré en contact avec une société de conception de parcours d'exposition. Donc si jamais vous avez un musée, ben, il faut créer un parcours à l'intérieur. Il y a des architectes qui travaillent sur l'enveloppe extérieure et nous, on travaillait sur le contenu. Alors tout ça, bien entendu, en partenariat avec des historiens, des conservateurs... des équipes multimédia, ce genre de choses. Mais, et donc, c'était une boîte qui s'en sortait, qui continue de s'en sortir très très bien, Tempora, et qui venait de décrocher un gros contrat en Pologne et qui avait conscience du fait qu'il serait nécessaire qu'il y ait quelqu'un au sein de l'équipe qui puisse faire l'interface, non seulement au niveau linguistique, mais aussi au niveau culturel. Et qui était donc à la recherche de quelqu'un qui ait ce profil-là, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors, assez vite, en fait, depuis un rôle de traducteur, j'ai plus glissé vers un rôle de gestionnaire de projet, donc j'ai encadré différents projets en qualité de coordinateur, et c'était un musée qui maintenant a ouvert depuis 2 ans, je pense, à Poznań, et qui était un musée sur la fondation de l'État polonais, et un autre musée qui, lui, s'apprête à ouvrir, si jamais il ne subit pas des modifications politiques, parce qu'il y a eu un changement de majorité en Pologne, et il n'est pas exclu qu'il veuille revisiter le projet, mais initialement, ce devait être le musée de la Seconde Guerre mondiale, à Gdańsk, qui devrait être le plus grand musée sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale au monde, et qui est le tout premier à essayer d'offrir une vue absolument panoramique sur tout le déroulement de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et donc qui essaie de rendre justice aussi aux souffrances de toutes les populations d'Europe, en ce compris celle des agresseurs. Voilà, en essayant de témoigner du fait que en Allemagne, tout le monde n'était pas nazi non plus, et qu'il y a des populations civiles qui se sont retrouvées, je dirais, embarquées dans une spirale politique à laquelle elles n'adhéraient pas. Mais donc, c'est le fait de ne pas de dépenser de l'argent polonais pour ne pas faire la promotion des souffrances polonaises, qui sont immenses, hein, par ailleurs. Il faut bien c'est-à-dire qu'il est toujours important de rappeler que l'épicentre des combats sur le sol européen est formé par un triangle qui relie la Pologne, la Biélorussie et l'Ukraine, et que l'entièreté des massacres des populations juives, mais aussi une bonne partie des massacres de populations civiles, se sont concentrés dans ce triangle, et que donc, ça a été un tout petit peu oblitéré de la mémoire collective européenne, mais ce sont les nations qui ont payé le plus lourd tribut en termes proportionnels lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, mais voilà, l'idée de dépenser des deniers polonais pour ne pas faire la promotion exclusive des souffrances polonaises est quelque chose qui passe mal auprès de la majorité conservatrice catholique qui vient de se mettre en place. Donc il n'est pas exclu que le projet soit visité. Mais donc voilà, je participais à ça, c'était passionnant. Mais c'était 60 heures par semaine au minimum, et donc est venu un moment où c'était devenu incompatible avec ma vie de famille. Et puis par ailleurs, moi, il y avait quelque chose qui me chatouillait depuis longtemps, c'est que j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais j'avais pas encore le sentiment d'être là où je voulais. Et là où je voulais, c'était plus près de la littérature. C'est ça qui vous a poussé finalement à chercher de nouveau à faire des études, et donc vous êtes arrivé à l'INALCO. J'investiguais un peu les possibilités pour revenir près du monde littéraire. Donc je savais pas si c'était travailler dans une maison d'édition, essayer de faire de la traduction. Et puis par hasard, j'ai rencontré mon ancien prof de littérature polonaise, qui était quelqu'un de passionnant, avec lequel j'ai gardé un très bon contact, Monsieur Marek Tomaszewski. Qui à l'époque donnait cours à Bruxelles depuis Lille où il était basé, et qui m'a dit « Écoute, j'ai changé d'institution, désormais j'enseigne à Paris, et je peux parrainer des candidatures de doctorants. Peut-être serais-tu intéressé ?» Je dis bah, « Ça, vraiment, oui. » On était dans un bon calendrier pour préparer le concours, puisque c'est un concours. Et voilà, je me suis présenté. J'ai été reçu par le jury et on m'a proposé un poste de doctorant contractuel. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé mes recherches d'une part et à enseigner à l'INALCO d'autre part. Depuis l'année dernière, c'est bien ça, vous avez commencé à donner des cours. Dans quelle matière et est-ce que vous trouvez ça intéressant de donner cours? Alors, j'ai effectivement commencé l'année passée. Je donne un cours d'histoire des arts et de la culture tchèque, et je donne un cours de traduction littéraire depuis le polonais vers le français. Alors c'est fabuleusement passionnant de donner cours, c'est beaucoup plus chronophage que ce que j'avais imaginé. Je pensais que ça allait aller relativement vite de préparer des cours, alors ça je peux vous garantir que en fait vos profs bossent beaucoup pour venir devant vous. J'avais pas réalisé, mais c'est des one-man shows. Enfin, ça dépend du type de cours que l'on donne, évidemment. Hein. Mais ici, le cours d'histoire des arts, par exemple, ben, c'est un cours magistral où on essaye, où j'essaye de brosser un tableau de la situation de la culture tchèque depuis la formation de l'État tchèque aux alentours de l'an 1000 jusqu'à nos jours. Ben, en fait, c'est un volume d'informations à absorber qui est absolument colossal. Et qu'il faut en plus pouvoir synthétiser derrière dans des termes qui soient pas effrayants et puis ne pas non plus noyer les classes sous l'information. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Alors je dois dire qu'en fait le processus de création d'un parcours d'exposition est sous bien des aspects très ressemblant à celui de création d'un cours. Donc j'avais au moins cet avantage-là. J'avais emmagasiné une forme d'expérience analogue. Okay. Mais il n'empêche que ça a quand même été, ça a été pas mal de boulot au début. Mais c'est ce qu'il y a de passionnant par ailleurs, c'est que je pense qu'on ne maîtrise jamais aussi bien une matière que quand on l'a expliquée à quelqu'un d'autre. Voilà, le fait de devoir reformuler quelque part suppose une appropriation complète d'une matière. Et donc en ça, voilà, maintenant je suis très content de pouvoir bénéficier d'une bien meilleure compréhension de l'histoire tchèque, par exemple, qu'auparavant. Votre sujet de recherche est directement en rapport avec votre passion. Ce sont les mécanismes de censure sous le communisme et les stratégies de rédaction des romanciers, ce qui est un sujet assez complexe et très technique. Pourquoi ce sujet ? Alors, c'est un sujet qui est intéressant dans la mesure où il existe toute une série de conceptions un peu simplistes de la censure. On pense que la censure, c'est quand un vilain fonctionnaire avec un gilet grisâtre arrive avec des ciseaux et se met à couper dans un texte. Or, depuis longtemps, j'ai l'intuition du fait que la censure, en fait, c'est tout un système idéologique qui sape les capacités d'exprimer quelque chose de différent. Alors, ce que j'ai découvert depuis que j'ai entamé mes recherches, c'est que je ne suis pas du tout le seul à le penser, et que bien d'autres personnes l'ont pensé et théorisé probablement bien mieux que moi auparavant. Mais donc, voilà, j'étais intéressé par le fait de rentrer dans cette conception de l'idéologie comme un moteur de production des textes, et d'essayer de voir quand est-ce que l'idéologie peut devenir rigide au point d'amener des auteurs à produire des textes très formatés, sans même qu'on ait besoin de les contraindre. Alors, c'est comme ça que je me suis assez naturellement orienté vers une période. Donc, sont les années qui suivent le printemps de Prague. Le printemps de Prague est donc une tentative réformiste du communisme de l'intérieur, qui échoue, à laquelle on oppose une ligne très rigoureuse en disant non, on va rester dans le communisme de bon papa où on fait les choses selon la doctrine. Et alors, parallèlement à cela, il y a une campagne anti-intellectuelle qui est lancée en Pologne qui vise un peu à discipliner tous les intellectuels qui commençaient à émettre de manière de plus en plus ouverte des opinions critiques vis-à-vis du régime. Et donc on se retrouve dans les années 70 dans ce climat de morosité intellectuelle où il n'existe pas encore véritablement de maison d'édition clandestine et où donc les romanciers sont contraints de publier dans des maisons d'État dans lesquelles ils savent qu'il y a un censeur. Et ce qu'il y a d'assez intéressant à mon sens, c'est que à cette époque-là, les censeurs n'interviennent plus dans les textes. Ils se contentent de dire c'est un texte que nous acceptons ou c'est un texte que nous rejetons. Donc l'étape de la censure, je dirais, descend d'un niveau et ou intervient encore plus en amont et doit être assumée par le romancier lui-même. Et ma question, c'est, puisqu'à cette époque-là, il y avait des romanciers qui avaient déjà une pleine conscience du dysfonctionnement chronique du régime communiste et qui avaient déjà plus ou moins comme projet politique de lui substituer un autre régime, mais qu'il devait publier dans des normes censoriales très strictes, comment faisait-il pour faire passer des contenus hétérodoxes qui appelaient à une forme de soulèvement, ou si pas de soulèvement, du moins une forme de révision critique du communisme, sans se faire saisir par le censeur? Et donc, il est certain que pour y parvenir, il devait mettre en place toute une série de dissimulation, de camouflage, et c'est ce qu'on appelle le costume historique. Par exemple, on va se servir de l'inquisition espagnole et de la façon dont les inquisiteurs torturaient leurs victimes pour prétendument les convertir à la foi catholique, comme une espèce de gigantesque métaphore du stalinisme et de la façon dont on a torturé, envoyé en camp de travaux, c'est-à-dire en goulag, qui n'étaient pas des camps de travaux, qui étaient véritablement des camps de mise à mort, des personnes pour essayer de les convertir à la foi communiste, ou encore des gens qui vont rédiger de faux romans d'anticipation de science-fiction, dans lesquels ils envisagent des sociétés hypothétiques basées sur des normes autoritaires qui en réalité ne sont rien d'autre que des transpositions de certains éléments de fonctionnement du communisme pour mieux les critiquer, ou alors des gens qui vont essayer de forger un langage qui n'a l'air d'être qu'un langage esthétique, neuf, décalé, mais qui en réalité est une tentative de recréation d'outils d'expression critique qui soient capables de s'opposer à la rationalité communiste, qui était une rationalité extrêmement bien construite. Donc c'est ça qu'il faut aussi retenir du communisme, c'est que, à la différence du nazisme qui est basé sur une conception intellectuelle extrêmement pauvre, le communisme vient d'une grande tradition philosophique et donc avait toute une série de gardes idéologiques qui étaient des philosophes extrêmement rompus à la pratique de la dialectique et qui savaient s'opposer avec beaucoup de talent aux personnes qui cherchaient à critiquer le communisme. Et donc, voilà, il fallait essayer de se réinventer d'autres possibilités de le critiquer qui sortent un peu de ce cadre philosophique, je dirais presque créé pour avoir une victoire rhétorique permanente. Et donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses que j'essaye de repérer dans les textes, ce qui implique d'avoir une analyse très précise des textes et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'un même texte, lu par deux publics différents, donc lu d'un côté par des censeurs qui cherchaient à traquer les tentatives déviantes de critique, et d'autre part des lecteurs compétents, donc des lecteurs qui aussi cherchaient à avoir des analogies qui se référaient à leur quotidien pour essayer de comprendre. Et comment est-ce qu'on a pu d'un côté tromper les censeurs et de l'autre satisfaire son public? Ce sont des logiques de fonctionnement des textes qui sont des logiques assez complexes et qui donc sont très intéressantes à analyser et qui en plus s'ancrent directement dans toute une série de référents culturels qui sont propres à ces cultures-là. Notamment, on mobilise beaucoup l'histoire nationale ancienne pour essayer de dresser ces fameux parallèles historiques. Donc voilà, ça implique de se replonger dans l'histoire de ces pays-là pour être certain de comprendre l'entièreté des subtilités. Voilà, donc c'est à ça que je m'attelle pour l'instant. Et c'est plus ou moins le programme que j'espère pouvoir réaliser. Parce que vous commencez, votre recherche commence finalement après le printemps de Prague. Oui. Est-ce que cela signifie qu'avant le printemps de Prague, c'était plus simple d'écrire? Alors donc... Quelle rupture est-ce qu'il y a eu finalement? À partir des années 60, en Tchécoslovaquie à l'époque, puisque les deux pays étaient toujours au sein d'une fédération. Donc en Tchécoslovaquie, il y avait... Il y a commencé à y avoir un mouvement réformiste à l'intérieur du Parti communiste qui s'opposait à la ligne dure. Et ce mouvement réformiste concentrait plusieurs revendications. D'une part, il y avait le mouvement réformiste slovaque qui voulait obtenir plus d'indépendance pour les structures nationales slovaques. Et ensuite, il y avait un mouvement libéral. Libéral, c'est peut-être beaucoup dire, mais... intellectuellement libéral du côté tchèque, qui militait pour ce qu'on a appelé le communisme à visage humain, donc un communisme qui soit plus démocratique et qui fasse une part plus grande à la liberté d'expression, sans pour autant directement revendiquer la liberté de parole totale. Mais donc, au cours des années 60, il y a cette confrontation entre ces deux fractions au sein du parti politique communiste, et cette confrontation gagne en intensité pour déboucher sur la victoire des réformistes au tournant de 68. Et alors, à la fin de l'année 68, il y a eu une suspension totale de la censure. Et donc, il y a eu 6 mois de liberté d'expression réelle en Tchécoslovaquie, qui ont été dûment exploités par les personnes. Il faut imaginer, c'est une marmite qui était sous pression et dont on a entrouvert le couvercle, et en fait ça a plus ou moins explosé. Donc à ce moment-là, il y a eu une forme de liberté. En Pologne, on avait connu pas exactement la même temporalité, puisque en 56, on a l'aveu des crimes staliniens par Khrouchtchev au 20e congrès du Parti communiste, qui normalement devait être une confidence faite aux partisans réunis en ce jour-là, mais qui très très vite en fait se répand et est connu du grand public. Et donc il y a des transitions, en tous les cas en Pologne il y a une transition politique, et il y a un nouveau secrétaire du parti, Gomułka, qui dans un premier temps autorise une certaine liberté de parole. Mais très très vite, il s'aperçoit que c'est un phénomène qui lui échappe, et lui aussi décide de refermer le couvercle de la marmite. Et alors là, on retombe dans un certain marasme intellectuel pendant plusieurs années encore. Donc voilà, on a eu comme ça deux moments de liberté, de parenthèses qui sont les années 56 à 58 en Pologne et les années 66 à 68, mettons, en Tchécoslovaquie. Mais... À part ça, non, on est dans des logiques de répression et de contrôle de la parole, dont l'intensité varie. Le climax absolu étant évidemment les années du stalinisme, et plus particulièrement les années qui s'étalent de 49 à 53. Ça, pour tous les pays du bloc, ça a été des années véritablement d'une dureté fanatique, où il était impossible d'exprimer autre chose ou d'écrire autre chose dans le domaine des lettres romanesques que des romans socialistes qui devaient faire l'apologie de la construction, l'édification du communisme, des réalisations qui étaient une usine bâtie là-bas, de l'acier produit ici, et qui étaient en fait, au bout d'un certain temps, très vite sont devenus d'une platitude absolue, qui était publiée en plus à la chaîne, puisque tout le monde faisait la même chose. Et d'une qualité littéraire, un peu déshonorante même pour les personnes qui le rédigeaient. C'est comme ça que voilà, ça n'a pas pu se maintenir. Il y a eu la mort de Staline en 53, donc c'est quand même un degré de pression qui est retombé. Et puis il était impossible de poursuivre artistiquement dans cette voie-là. Tout le monde avait compris que c'était une impasse. Donc assez vite, les gens s'en sont détournés. Très souvent, quand on pense aux sanctions vis-à-vis des auteurs, on pense souvent à l'exil en Sibérie dans les camps du Goulag. Mais concrètement, quelles sont les vraies sanctions qui ont été mises en place? Alors, tout ça a été très variable au cours des époques. Mettons que l'envoi dans les camps de travaux était un phénomène beaucoup plus présent en Russie que dans les pays satellites du bloc, et est quelque chose qui a plus ou moins disparu après 1956. C'était vraiment la mesure la plus brutale qui puisse exister. Mais il faut être conscient qu'en Russie, et je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la censure en Russie, mais de tête comme ça, je pourrais citer au moins une dizaine d'auteurs qui ont fait un passage par le goulag. Donc c'est une mesure qui a été pratiquée et qui semble avoir été pratiquée souvent. En revanche, dans les pays du bloc, dans les pays satellites, la marche occidentale composée par la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, là, dans un premier temps, on a cherché à un peu séduire quand même, parce que c'était un nouveau régime politique qui était gouverné depuis Moscou et qui confisquait un peu de la souveraineté de ces États-là. Donc il fallait quand même un peu essayer de convaincre les populations civiles qu'on était de bonne intention. Et donc, dans un premier temps, il y a eu une certaine relâche. Et puis alors, à partir de, comme je le disais, 49 jusqu'à 53, là, on est dans des mesures très, très répressives. Et alors, qu'est-ce qui se passait à l'époque? À l'époque, c'était blanc ou noir. Donc, soit les gens avaient le droit de publier et jouissaient de leur nom qui était reconnu par les autorités. Et alors, ils étaient inscrits dans le syndicat des auteurs. Le syndicat des auteurs regroupait les gens qui avaient le droit de proposer un texte à la publication, lequel texte était revu par des censeurs et bien souvent corrigé, parce que les censeurs se devaient de durcir la ligne encore. Et puis, il était envoyé en édition, en publication. Par contre, si jamais quelqu'un commettait un crime de lèse-majesté et s'en prenait de manière critique au régime, alors simplement, il perdait son titre d'écrivain affilié au syndicat, et donc il ne pouvait publier nulle part. Et c'était des gens qui, le plus souvent, devaient alors s'exiler pour retrouver la possibilité de publier quelque part. L'exil était lié à une mesure immédiate. Toute personne qui était en exil devait disparaître publiquement des lettres nationales, et donc son nom devenait un tabou qu'il était interdit de prononcer. Et donc on a plein d'exemples d'auteurs dont en dernier recours, si jamais on devait vraiment les mentionner, on disait l'auteur de tel roman, de façon à ce que voilà, on sache un peu de qui il s'agissait. Par la suite, on a une forme de relâchement sur les normes censoriales et l'attirail répressif, et donc on va grader les peines et les punitions qui correspondent, les fautes et les punitions qui y correspondent. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut interdire quelqu'un de publier en son nom propre, mais on fermera vaguement les yeux sur le fait qu'il fasse publier par un collègue de plume. Ou alors, on lui interdit de publier des écrits propres, mais on l'autorise à publier des traductions. Ou encore, on lui interdit de publier des romans, mais on l'autorise à publier des formes courtes dans la presse. Voilà, toute une série de, toute une échelle de peines qui pouvaient être appliquées, mais qui pouvaient aller jusqu'à l'interdiction totale de publication, bien entendu. Souvent, ce que les gens faisaient alors pour se racheter, si jamais on leur interdisait, par exemple, de publier en nom propre, ils procédaient à ce fameux rituel communiste de l'autocritique. C'est-à-dire qu'ils s'adressaient à un quotidien bien communiste, la Tribune du Peuple, la Gazette Rouge, et ils rédigeaient un long pamphlet contre eux-mêmes, dans lequel ils expliquaient qu'ils n'avaient pas été suffisamment engagés dans l'édification du communisme et ils s'étaient laissés fourvoyer par des forces extérieures. Mais désormais, ils avaient bien compris leur erreur et leur intention. Donc c'est marrant parce qu'on est presque dans une confession, en fait, une confession religieuse dans laquelle on dénonce et on avoue son tort, mais on prend aussi implicitement l'engagement de s'efforcer de faire mieux par la suite. Et donc voilà, c'est des choses qui ont été pratiquées. Alors des gens l'ont pratiqué tout à fait cyniquement, en n'y pensant pas une seconde. D'autres l'ont pratiqué sérieusement. Voilà, il y a eu différentes postures vis-à-vis de ça. Donc c'est un peu la façon dont les choses s'organisaient. Ce qu'il est important de souligner, c'est qu'à partir de 1976, on voit apparaître des maisons d'édition clandestines sur le territoire national. Avant ça, il existait depuis longtemps des maisons d'édition en exil, mais qui, elles, vont vraiment alors commencer à propager des textes qui sont des brûlots pamphlétaires adressés contre le pouvoir. Un pouvoir qui est très très fort fragilisé parce que il n'y a plus aucune passion idéologique au sein de la société civile. Et donc il sent bien que son assise sur la population qu'il dirige est une assise de plus en plus tangente ou vacillante. Merci. Et donc il sent bien qu'ils ne peuvent pas réprimer avec la même force. Et cette littérature dissidente, qui elle, alors là, sort tout à fait du cadre de ce que moi j'étudie, qui est une littérature qui a récupéré un droit de parole et qui donc est presque parfois outrancièrement injurieuse vis-à-vis du pouvoir. Mais on voit bien qu'il y a un effet mécanique de réaction vis-à-vis de tous les interdits qui avaient précédé. Mais cette littérature-là, elle va très clairement contribuer à restaurer ce qu'on va appeler l'éthos de la dissidence, c'est-à-dire des gens qui vont complètement modifier leur projet politique. Il ne s'agit plus de composer avec le pouvoir en place et d'essayer d'améliorer marginalement certaines de ses composantes. Il s'agit vraiment de renverser le pouvoir existant et de lui en substituer un nouveau. Ce qui est effectivement ce qui va se produire à l'horizon 89. Quel rôle a joué l'Occident dans ces stratégies finalement des auteurs? Est-ce que c'était simplement une terre d'exil ou est-ce qu'il y avait un côté motivateur, j'ai envie de dire, de l'Occident? Alors, encore une fois, c'est quelque chose qui se déploie dans le temps avec toute une série de variations. Au tout début, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le communisme jouit d'un prestige intellectuel très important en Europe occidentale. Et donc, on a le cas de divers auteurs, notamment un auteur polonais, Herling Grudziński, qui va publier un essai qui sera traduit par « Un monde à part » en français, qui est le récit de sa survie dans les camps soviétiques, du Goulag, et qui donc précède en fait l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn d'une vingtaine d'années, et qui va être complètement oblitéré de la réception européenne, qui va vraiment passer sous le radar, notamment parce que très très vite, il y a une campagne qui est organisée contre le livre et qui dit que c'est un faux et que ce sont des mensonges qui sont formulés par un Polonais nationaliste qui cherche à prendre une revanche historique sur la Russie. Alors que voilà, l'histoire a démontré que le récit est tout à fait authentique. Donc, dans un premier temps, il y a plutôt une incompréhension entre ces intellectuels d'Europe centrale qui dénoncent le communisme après en avoir fait l'expérience et l'Europe occidentale qui reste fascinée. Par la suite, je dirais, les deux grands tournants, c'est 56 et la répression du soulèvement en Hongrie, et puis 68 et la répression par les tanks soviétiques du printemps de Prague, où là, l'opinion publique générale et puis les intellectuels d'Europe occidentale vont reconsidérer avec beaucoup de, cette fois-ci, de bienveillance, les intellectuels dissidents d'Europe centrale. Et donc, il va y avoir... Alors, il y a différentes initiatives qui se mettent en place. Il y a Radio Free Europe qui diffuse à direction de ces pays-là et qui est une des seules sources d'informations différentielles que les personnes peuvent recevoir chez eux. Ils financent de temps en temps des initiatives d'édition. Ils proposent des bourses pour des intellectuels, des écrivains qui veulent venir écrire pendant 6 mois, 1 an à Berlin, à Paris. Donc voilà, ce sont des façons de venir en aide. Et alors, ils accueillent très volontiers les gens qui demandent l'asile politique. Maintenant, il est certain que il n'y avait quand même pas une perception idyllique de l'Occident non plus au sein de l'Europe centrale. L'Europe centrale espérait, honnêtement, en 89, représenter une troisième voie, c'est-à-dire... peut-être pas en 89, mais jusque assez tard, 68, les années 70, ils espéraient encore créer une espèce de troisième voie médiane qui ne soit pas le libéralisme occidental, mais qui ne soit pas le communisme soviétique. Et donc, qui soit une forme de socialisme pluraliste. Voilà, il y a une méfiance malgré tout vis-à-vis de l'Occident, et certaines personnes comprennent bien que si jamais elles acceptent des financements de l'Occident, elles risquent de se compromettre auprès de leur public national. Donc, voilà, ça n'est pas toujours aisé de profiter de l'aide occidentale. Mais aussi qui date au niveau historique. Donc, est-ce qu'il est difficile de trouver des sources au niveau des recherches? Comment est-ce que vous faites des recherches sur ce sujet? Alors, donc, moi, je travaille essentiellement sur des romans qui donc ont été publiés. Donc, ce sont des romans qui comportent des contenus hétérodoxes au regard de la doctrine de l'époque, mais qui ont parvenu à se faire publier dans le réseau d'État. Donc, en réalité, ce sont des livres qui existent, il est simple de se les procurer. Certains datent un peu, donc parfois c'est parfois un peu de recherche chez des bouquinistes, et donc je profite de mes déplacements sur place pour un peu fureter, mais grosso modo, j'arrive à me procurer tout ce qui est nécessaire. Internet est un bel outil, il faut savoir s'en servir parce qu'il y a du bon et du nettement moins bon, mais il y a plein de choses qui maintenant ont été bien digitalisées et qui sont accessibles en ligne. Et alors, j'ai quand même orchestré plusieurs voyages, courts voyages d'études, où j'allais dévaliser des bibliothèques là-bas et où je passais des journées entières à scanner des ouvrages pour pouvoir les ramener chez moi en Belgique. Mais donc, en fait, je ne suis pas dans une perspective d'historien. Par exemple, je n'interroge pas les textes au regard des archives de la censure. Pour toute une série de raisons, à commencer par le fait que les archives de la censure sont extrêmement complexes, très mal tenues, et que il est toujours difficile de statuer sur la la véracité de ce qui est inscrit dans la censure. Donc, il faut avoir conscience du fait que ce sont des fonctionnaires qui étaient tenus à des logiques professionnelles, mais aussi à des stratégies professionnelles à l'époque. Et donc, on a plein de cas de fonctionnaires qui notent des erreurs simplement pour faire semblant qu'ils auront repéré plus d'erreurs que leurs collègues et donc se promouvoir auprès de leur hiérarchie, etc. Donc, ce ne sont pas des archives qui peuvent être tenues pour des archives authentiques, véridiques. Donc voilà, il y a toute une méfiance à avoir vis-à-vis d'elle. Donc moi, je ne travaille pas là-dessus, ce qui simplifie assez fort mon travail. Autrement, j'aurais dû effectivement passer des jours et des nuits en archive à déballer des cartons poussiéreux et, voilà, et à déchiffrer des écritures manuscrites. Heureusement, je ne dois pas le faire. Est-ce qu'on est arrivé à retrouver, voire à publier, après la chute de l'URSS, des livres qui, à l'époque, étaient... et distribué, j'ai envie de dire, sous le manteau? Alors donc, il y avait deux phénomènes. Il y a eu, d'une part, tous ces ouvrages qui étaient publiés clandestinement, de très mauvaise qualité. C'était vraiment du bricolage. C'était des encres qui bavaient beaucoup, c'était du papier tout fin. C'était lu par de très nombreuses personnes, parce que du coup, c'était des vrais phénomènes de curiosité. Donc les gens se les passaient quasiment comme maintenant on fait circuler un DVD qu'on a beaucoup aimé. Et donc, cela existe, mais généralement, on en a fait des rééditions qui sont très bien faites. Certaines ont des annotations critiques qui sont très éclairantes aussi. Alors, il y a autre chose, c'est qu'on disait en polonais « pisage de chauflade », ce qui veut dire « écrire pour le tiroir ». Et donc, c'était vraiment des gens qui écrivaient en ayant conscience du fait que c'était impubliable en l'état. Ces personnes-là ont ressorti ces textes au-delà de 89. Et en fait, il y a eu beaucoup d'espoir. C'est-à-dire qu'on a cru, après 89, qu'il y avait des trésors dans les tiroirs des auteurs polonais et qu'on allait redécouvrir des choses magnifiques. En fait, pas tellement. L'essentiel de ce qui avait été écrit avait été publié. Bon. Alors, pour certains en maison clandestine, hein, mais l'essentiel avait été publié. Et alors, d'autre part, le goût du public avait changé. Donc, les gens étaient presque... Il y avait un tel soulagement de s'être débarrassé du régime précédent que personne n'était très empressé de retourner à des considérations politiques, critiques, sur ce qui se déroulait avant. On avait vraiment l'appétit de ce qui allait venir. Et d'ailleurs... Après 89, dans un premier temps, on enregistre une baisse qualitative très importante de la littérature en Europe centrale. C'est-à-dire que les maisons d'édition, très vite, se jettent sur tous les succès d'édition occidentaux. Mais donc, on est un peu dans le best-seller, best-seller bon marché. Donc voilà, on est un peu dans le roman de gare. Et il y a une forme de désorientation au sein des lettres pendant tout un moment. Et il faut attendre plusieurs années avant qu'on recrée... de nouveaux genres romanesques qui correspondent mieux à la nouvelle réalité historique dans laquelle on se trouve. Donc, il y a et maintenant, on a de nouveau des auteurs de grands talents dans toute l'Europe centrale qui sont des gens qui méritent vraiment notre attention et qui, je suis certain, vont continuer à nous épater. Donc il y a un certain dégoût de la littérature de l'époque soviétique après la chute de... Après l'éclatement du bloc... Il y a un désintéressement temporaire. D'accord. Parce qu'on a l'appétit d'autre chose. Mais on y revient. Maintenant, il y a toute une génération de lecteurs qui n'a pas connu... qui n'a pas connu et qui n'a pas fait l'expérience du communisme et qui donc cherche des médias au travers desquels il peut prendre connaissance de cet univers-là. Et comme toujours, la littérature est une des portes d'entrée qui offre une des visions les plus claires sur des événements historiques. Donc voilà, il y a des personnes qui ont redécouvert une forme de fascination. Mais ça n'est pas toujours évident, puisque, comme je le disais, on est dans ce jeu de maquillage des propos et que les romans, très souvent, utilisaient des jeux de signification seconde. Parfois, ça demande une capacité de lecture et une connaissance de certains récits historiques ou alors de la doctrine communiste qui n'est plus vraiment le quotidien du lecteur actuel. Et donc, parfois, il y a des romans qui sont devenus un peu opaques et pour lesquels il faudrait presque des explicatifs pour un lecteur plus actuel. Mais je suis certain que ce sont des choses qui commencent seulement à exister et qu'il va y avoir un intérêt grandissant pour cette époque-là. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de nostalgie de l'époque soviétique comme en Russie ? Alors, donc, bon, le film qui représente le mieux ça, c'est Goodbye Lenin, hein, sans aucun doute. Il y a une nostalgie pour le quotidien communiste. C'est-à-dire, pour certains produits qui étaient dans toutes les cuisines, pour les habitudes de papotage jusque pas d'heure, où tout le monde s'enfermait dans la cuisine, pour l'espèce de solidarité qui se nouait entre voisins contre un ennemi assez clairement identifié, qui était le pouvoir ONI, etc. Donc, et le fait que maintenant il y ait un fractionnement politique de ces sociétés-là, qui parfois donne lieu à des discordes assez durs, voilà, il y a parfois des effets de perspective où des gens expriment une certaine nostalgie. Maintenant, personne ne souhaite le retour du communisme pour autant. Ça, je crois qu'il y a un consensus très très clair là-dessus. Voilà, je dirais c'est une nostalgie culturelle, ça n'est sûrement pas un regret politique. Merci beaucoup, monsieur Delex. Merci à vous, c'était un plaisir d'être là. C'était un plaisir de vous recevoir, vraiment. C'était très intéressant de vous écouter. Votre parcours nous rassure un petit peu pour ce qui est des perspectives professionnelles. En effet, on voit que le monde professionnel peut être très connecté au monde de la recherche, ce qui pour nous n'est pas forcément évident. Donc, on est content de voir que on peut avoir un parcours professionnel riche et en même temps aimer la littérature, la recherche. Il n'y a absolument pas de contradiction là-dedans et je vous souhaite bonne chance avec votre très beau projet de radio. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Je crois que vous donnez les moyens de lui garantir un beau succès. Donc voilà, j'espère Merci que beaucoup. Ce sera Merci le cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nous avons une dernière tradition à Radio Langzo. En fin d'émission, nous cherchons un nom pour les étudiants de l'INALCO. Donc, le mois dernier, nous avions posé la même question à Dominique Sanson. Alors, historiquement, les étudiants de l'INALCO sont des Sylvains, du nom de Sylvestre Sassy, le fondateur de l'INALCO. Et nous avions proposé, qui est une idée de Johan Goudin, qui est aussi un enseignant à l'INALCO, inalcoolique. Alors, j'ai aussi entendu inalciste. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée de comment appeler les étudiants de l'INALCO. Peut-être qu'il y a une façon d'appeler les étudiants de l'Université libre de Bruxelles, je ne sais pas. On dit des ULBistes, ce qui n'est pas un beau mot. Hein, je veux dire, c'est pas. Et je ne sais même pas, il y a peut-être une autre tradition, mais si c'est le cas, je l'ignore. Et vous me prenez à froid, là, je ne sais pas. Je réfléchissais, je me disais, vous êtes des multicultistes, en fait. Vous êtes des. Des multicultistes. Voilà, à cette époque où tout le monde dénigre un peu. Ou envisage la rencontre et l'intégration des cultures comme étant un danger mortel. Voilà, vous êtes au quotidien des gens qui cherchent à prouver le contraire. Et vous êtes en fait, l'aiguillon qui est en première ligne pour ce qui est de démontrer que la rencontre des cultures est quelque chose, alors, tout d'abord, qui existait de tout temps, mais qui en plus a encore énormément à nous apporter. Et je crois que vous êtes là pour démontrer que, encore une fois, la question n'est pas doit-on continuer à essayer d'intégrer de nouvelles cultures à la culture européenne. La vraie question est peut-on s'offrir le luxe de ne pas le faire. Voilà. Je crois que vous, en tant que multicultiste, vous expérimentez ça au quotidien. Multicultiste, c'est pas mal. Hein. Oui, j'aime bien le terme. Merci beaucoup. Voilà, adoptons Merci. Ça. Merci à vous. Merci. Quant à vous, chers auditeurs, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à réagir à l'émission par mail grâce à l'adresse radiolangzo@gmail.com, tout attaché en minuscules, ou sur notre Tumblr sur lequel vous pouvez retrouver cette émission en commentaire. Nous vous donnons rendez-vous d'ici un mois pour une nouvelle émission début janvier. D'ici là, à bientôt. Merci beaucoup. Чужие стены гудят, как рамы, чужие драмы.